Chapitre 19e, agréé. Sir Robert Lissell, après sa première visite au bocage, envoya des présents de gibier, de fruits et de fleurs. Ces derniers étaient particulièrement adressés à Miss Olivia Marmaduke et accompagnés d'une lettre beaucoup plus élégante qu'on ne devait s'y attendre de la part du jeune baronnet. L'écriture était roide et tourmentée certainement, mais Sir Robert s'exprimait beaucoup mieux sur le papier qu'il ne l'aurait fait de vive voix. « Je crois que cela lui aura été dicté par le gentleman qui lui a dit de ne pas venir nous voir assez matin pour nous surprendre en robe de chambre, » dit Olivia en examinant les armoiries gravées sur le papier archiglacé. « Voyez la main sanglante, Laura, » dit-elle, « et la devise en vieux français qui veut dire « Lissell garde ce que Lissell gagne ». Qui croirait jamais que ce stupide blondin descend d'une si noble maison ? Je m'étais imaginé qu'un Lissell de Lisselwood devait être grand et élancé, sombre et sévère. « Vous avez mille fois plus l'air d'un baronnet, papa, que Sir Robert Lissell. » »« Les Marmaduke sont d'une aussi ancienne famille que les Lissell, Olivia, et ils ont refusé la pairie sous Charles Ier. »« Alors ils ont été très stupides. »« J'aurais aimé être comtesse. »« Lady Olivia, cela sonne admirablement bien à l'oreille. » 3 jours après, le baronnet vint au bocage avec sa mère et le major dans une voiture. Le jeune homme n'avait accordé aucun repos à Claribel, qu'elle n'eût promis d'aller chez le colonel Marmaduke pour l'inviter à venir au château avec ses filles. « Je vous assure, mon cher Rupert, qu'elle ne voit personne. Mais elles me verront. Il faut qu'elle me voie, » s'écria le jeune homme. « Je suis l'homme le plus riche du comté de Sussex, et il serait bien dur que je n'eusse pas les visiteurs qu'il me plaît d'avoir. Elles viendront. »« Rupert, ne soyez pas si extravagant, » fit Claribel. « Je ne le suis pas. D'ailleurs, le colonel me plaît. » « Oh !» Le colonel, dit le major Barney en riant, et pas une de ses filles. Non, pas une, affirma Sir Rupert en rougissant fortement. Je puis bien m'intéresser, je suppose, à un vieux militaire sans que personne s'en mêle. J'aime le colonel et je veux qu'il vienne chez moi, et je veux que ses filles viennent chez moi, et ils resteront, si cela me plaît. Dites plutôt si cela leur plaît, remarqua tranquillement le major. Il me semble que je puis choisir mes paroles, murmura le major. « Sans doute, Sir Robert, » répondit le major Barney. « Mais vous feriez bien de vous souvenir qu'un gentilhomme ne doit pas trop élever la voix dans son propre salon quand il s'adresse à ses hôtes. »« À ses hôtes ?» répéta Sir Robert avec un sourire ailleurs. « Vous êtes resté ici un peu longtemps pour un hôte. Je puis croire que vous êtes de la maison. »« Robert, » s'écria sa mère, « pouvez-vous oublier ?»« Oh, je n'oublie rien, » dit le baronnet. « On prend tous les soins possibles pour que je n'oublie rien. » « Mon banquier pourrait vous dire qu'on sait bien me faire souvenir de toutes choses. Mais quant à cela, » ajouta-t-il en s'adressant au major, « vous pouvez rester aussi longtemps qu'il vous plaira et manger et boire ce qu'il vous conviendra. Et tâchez de tirer de moi tout ce que vous pourrez, mais je ne veux pas qu'on m'empêche de faire ce que je me suis mis en tête de faire. Entendez-vous cela ? Je ne veux pas qu'on se mêle de mes affaires. » Le baronnet quitta le salon en fermant avec fracas la porte derrière lui. C'était la première fois qu'il opposait un seul mot de résistance à l'autorité du major. Un coup d'œil jeté dans le petit salon du bocage suffit au major pour savoir quelle était celle des jeunes filles qui avaient séduit Sir Robert Lissell. Les 4 sœurs aînées étaient occupées à leur éternel crochet quand les visiteurs entrèrent. Mais Olivia était assise auprès du feu, tournant avec indifférence le feuillet d'un livre. Le major réussit à s'asseoir auprès d'elle et à engager la conversation. Le baronnet, assis derrière sa mère, avait l'air terriblement vexé de cet arrangement. Mais, si poli que fût le major, il ne s'entendit pas très bien avec Miss Olivia Marmaduke. La jeune fille fit des réponses si brèves à ses phrases élégantes et fixa avec tant d'insistance ses yeux noirs sur lui lorsqu'il lui parlait, qu'il finit par s'éloigner d'elle en frissonnant. « Quelle terrible fille que la plus jeune, » dit-il à Sir Robert, « on dirait Sémiramis dans une robe de soie fripée. » « Je ne connais pas Sémiramis, » répondit le baronnet avec impatience, « et je puis vous dire que Miss Olivia ne manquera pas de belles soirées un de ces jours. »« Stupide Rupert, assurément ce n'est pas de Miss Olivia que vous êtes amoureux. »« Assurément ce n'est pas de cette fille au teint jaune, avec ses yeux noirs et hardis, que vous pouvez être amoureux. »« Je pense réellement que Miss Marmaduke l'aînée est beaucoup plus jolie. Elle est belle et pleine d'élégance. »« La fille aînée est un véritable morceau de bois, » répondit Sir Rupert. « Miss Olivia est la plus belle femme que j'ai jamais vue. » Bien qu'il plût à Olivia Marmaduke de repousser les attentions du major et de faire tout ce qui était en son pouvoir pour se rendre désagréable à cet individu, le colonel, son père, aimait assez l'officier indien. Les deux hommes parlèrent de la guerre, de l'état du Punjab et des ressources qu'offraient les troupes indigènes. Et avant qu'il ne partît, le colonel avait invité le major Barney à dîner au bocage pour le lendemain. Le baronnet entendit l'invitation que le colonel fit au major. « Oh, alors je viendrai aussi, colonel, si vous le permettez. Vous ne m'avez pas invité, mais je suppose qu'où le major Barney le bienvenu, je le suis également. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en quatre parce que je viens, » ajouta-t-il bénévolement. « Traitez-moi comme si j'étais des vôtres, sans façon, sans cérémonie. » Le colonel rougit. « Comme un vieux soldat doit toujours vivre en véritable gentilhomme, il doit toujours être prêt à recevoir un gentilhomme, » dit-il avec gravité. Miss Olivia l'interrompit. « Oui, papa, mais peut-être, puisque ce rapport viendra, ferions-nous bien d'envoyer demander à l'hôtel du vaisseau, à Brighton, un ou deux cuisiniers français et un état-major de marmiton. Marie ne fera jamais l'affaire. » Le baronnet sentit qu'elle se moquait de lui. « Peut-être préféreriez-vous que je ne vinsse pas, » dit-il avec embarras. « Oh, mais pensez à l'honneur que nous perdrions si vous ne veniez pas, dont Thistlewood parlera du prince de Sussex et de la gracieuse visite de son Altesse royale. » « Eh bien, que pensez-vous maintenant de cette fille impertinente et mal élevée ?» demanda le major au baronnet en rentrant au château. « Je ne la crois pas mal élevée du tout, » balbutia Sir Rupert. « Ah, vraiment ? Diable, il n'y a qu'une excuse pour sa conduite, et cette excuse, c'est qu'elle vous trouve mal élevée vous-même, » dit son ami. Vers 4 heures environ, le lendemain, le major et Sir Rupert se faisaient annoncer dans le salon du bocage. C'était une petite pièce froide, mal meublée, avec 3 fenêtres donnant sur la grande route. Tous ces anciens meubles avaient vu de meilleurs jours. Le tapis était passé, ses couleurs s'étaient éteintes graduellement. Le plaquage de la table était rayé et s'en allait en éclats. La dorure de la vieille glace ovale était toute ternie. L'espèce de perse qui recouvrait les sofas était usée et passée. Au milieu de ce triste appartement, Olivia Marmaduke paraissait plus éblouissante que dans la plus brillante salle de bal. Elle portait une simple robe de mousseline lilas, ornée de quelques zones de ruban. Elle paraissait mieux disposée envers le major Barney qu'elle ne l'avait été la veille. Elle lui parla et joua aux échecs avec lui, au grand mécontentement de Sir Rupert, qui ne pouvait que se tenir à côté d'elle et la regarder. À la grande surprise du major, il fut battu par son adversaire. Elle joua quelques brillantes valses et polkas sur un petit piano de campagne et chanta 2 ou 3 tyroliennes. Sir Rupert l'écoutait comme s'il eût entendu les chants du paradis. Mais quand les autres demoiselles vinrent jouer de longues fantaisies et chanter des duos italiens, le baronnet tourna le dos au piano afin de causer avec son enchanteresse. Ce soir-là, il semblait que la capricieuse jeune fille eût résolu de séduire le major aussi bien que son jeune ami. Elle lui parlait, elle riait de ses plaisanteries et raillait Sir Rupert pour son édification. Elle chanta et joua si bien pour lui qu'il faut que l'officier indien ait été un homme bien fort pour résister au pouvoir de l'enchanteresse. Quant à Sir Rupert, il ne paraissait jamais si ravi que lorsqu'Olivia se moquait de lui. Il la suivait, il était sans cesse à côté d'elle quand elle jouait et chantait. Sir Rupert tenta vainement d'avoir quelques minutes de conversation avec Olivia. D'une manière ou d'une autre, le major s'arrangeait toujours de façon à occuper l'attention de la jeune femme au moment où le baronnet allait lui dire quelque chose de tendre et de flatteur. Vers la fin de la soirée, Sir Rupert parut abandonner l'espoir d'approcher celle qui le charmait, si ce n'est en compagnie de son ami. Et il se résigna à son sort. Il fut morose pendant tout le temps que dura leur retour au château, mais comme ils ôtaient leur pardessus dans le vestibule, il dit brusquement « Eh bien, comment la trouvez-vous maintenant ?» « Comme je la trouvais hier. Elle a du brillant, certainement. Elle n'est pas mal aux lumières. Mais c'est une coquette consommée, rusée, ambitieuse, sans cœur et intrigante. Que le ciel ait pitié de l'homme qui l'épousera. Non, je ne l'aime pas. »« Alors vous êtes un infernal hypocrite, » dit Sir Rupert avec fureur, « car je vais être pendu si vous ne lui avez pas fait la cour pendant toute la soirée. »« Je fais toujours la cour aux coquettes, mon cher Rupert, » répondit le major. Sir Rupert Thistle fut plus heureux le lendemain, car dans sa promenade du matin, il rencontra Miss Olivia Marmaduke suivie de son chien Box. Il lui dit bonjour, après avoir marché près d'elle pendant quelque temps, sans dire autre chose que ce seul mot de politesse. « Eh bien, » dit à la fin la jeune fille, « comme vous ne paraissez pas avoir beaucoup de choses à me dire, je ne vois pas ce qui peut vous retenir ici. Surtout, » ajouta-t-elle avec malice, « surtout puisque votre jument meurt d'envie de galoper. » « Je me soucie bien de ma jument, Je me soucie bien de quoi que ce soit, dit-il. Il n'y a qu'une chose, qu'une personne dont je me soucie au monde. Je suis l'homme le plus riche du comté, mais je suis très malheureux, et personne ne peut me rendre heureux que... » Il s'arrêta court et devint écarlate. « Que qui, s'il vous plaît ? » demanda Olivia. « Que vous ? » ?»« Vous vous marierez avec moi, n'est-ce pas ? Vous serez la femme la plus riche du comté de Sussex. Si vous êtes ma femme, pensez-y. Vous aurez tout l'argent que vous voudrez, ou que votre père voudra. Vous serez Lady Lissel. Vous serez maîtresse de mon beau domaine et de l'un des plus beaux châteaux du Sussex. Voulez-vous dire oui ? » Pendant un instant, le visage d'Olivia Marmaduke parut plus sérieux qu'il ne l'avait jamais été aux yeux de Sir Rupert. « Vous n'êtes pas trop sentimental, Sir Rupert, dit-elle. Vous ne me demandez ni amour, ni constance, ni dévouement. Vous me demandez seulement d'être votre femme. »« Eh bien, en considération de cela, je crois que je puis dire... »« Oui, oui, oui, vous direz oui !» s'écria le jeune homme en saisissant sa blanche main. « Eh bien alors, oui ?»